just like girls. You're blacked against the world. I never tried you for anybody else. A brown skin girl, got skin just like pearls. The best thing about the world. I never tried you for anybody else. Oh, have you looked in the mirror lately? Wish you could trade eyes with me. Cause there's complexities in complexion, but your skin is glow like diamonds. Dig me like the earth, you be giving birth to everything alive, baby, know your worth. I love everything about you, from your nappy curls to every single curve, your body natural. Same skin that was broken, me the same skin taking over. Most things are the focus view, but when you're in the room, they know. You know me, I really wanna take you for dinner. You know me, I get the money, passion, a pita. For my area, they call me Godzilla. For the brand, them when they young, pata pata. If you got you, make sure say you bitter. If another nigga want carry my senorita, I go chop on like Sena Semovita. Bad boys like you, I like bad boys like you. She need ya, biggie back away, they make a bad man chateau Roma. Philomena do the dirty wine for the conga. No fit to leave you for any reason. Mm-hmm. I want to invest in your body, I want to invest with my money, You know say now you are go marry, How many pickin we go bunny, This our love no go funny, Me I no go play with my shorty, Anytime I look at your body, Yo, you dey make me dey honey, Shawty, oh, your body make me go down low. Waiting I go do without your love, oh. African girl, you come and up in my bima. You know me, I really wanna take you for dinner. You know me, I get the money, passion, a pita. For my area, they call me Godzilla. For the brand, them when they young, pata pata. If you got you, make sure say you get that. If another nigga want carry my senorita, I go chop on life, say now say move it down. Bad boys like you, I like bad boys like you. Ooh, yeah, boys like you, I like bad boys like you. Finna give her all the touching and the loving that she need, yeah. Biggie back away, they make a bad man, Chateau Roma. Philomena do the dirty wine for the conga. No fit to leave you for any reason. Girl, I go there for you. Girl, I go there for you, baby. Girl, I go crazy for you, baby. Why I go best for you, baby? I do mumu for you, sister, baby. Sister Bambella, your back make me miss my fasting and prayer. I'm a tenor, I'm my young fella. For me, I be to spend on my racks and cheddar for you. Sister Bambella, your back make me miss my fasting and prayer. I'm a tenor, I'm my young fella. For me, I be to spend on my racks and cheddar for you. African girl, you come and up in my bima. You know me, I really wanna take you for dinner. You know me, I get the money, passion, a pita. For my area, they call me Godzilla. For the brand, them when they young, pata pata. If you got you, make sure say you bitter. If another nigga want carry my senorita, I go chop on life, say now say move it down. Bad boys like you, I like bad boys like you. Like you, I like bad boys like you. you forever and ever. You know, for greater sin. Look how you deal with me, rough like alligator skin. Them say I have a look, man, me never get a feel. Yes, I'm a bad, but you don't even know where behavior means. You are the thing when you want me for door. Since I like juggling, go call John Cole. Love your tongue, ring me, that one my radio. But you are making it harder for you. Can't leave you. For me and you forever and ever. Forever and ever. Cheater, you cheater. Cheater, you cheater. I'm for leave you. Baby, we have a good thing, don't freak it up. And since you say you feel, don't come fling it up. The mommy, the cherry, yo, you fill it up. Come bring an eagle, I am a string it up. Me find a diamond in a the road, don't me fee give it up. Hard for find a gem when me can't give a chance. No, no, for me for go with me. You said it too, are we out there for me? Just pray the Lord can't forgive us. Can't leave you. You want me forever and ever. Cheater, you cheater. I'm gonna forgive you. Alors je lance un SOS. Allô, est-ce que

conseils de mes copines, tu me rends fragile. Oh là là. Écoute pas tes copines, on a trop parlé, maintenant faut qu'on agisse. Oh là là. Tout d'un coup, je suis nostalgique, je repense au début, ça me rend fragile. Il me dit comment tu parles bébé. Il faut te calmer, c'est que toi mon bébé. C'est pas comme ça, faut te calmer un peu. Il faut croire en moi. Daddy, m'a dit aya aya, tu m'écoutes, tu m'écoutes. Mais Daddy, toi aussi tu m'écoutes pas. Tu m'écoutes pas, Daddy. Mais toi aussi, tu m'écoutes pas. Relaxez-vous, relaxez-vous. On s'occupe de votre playlist vacances sur Énergie. London. Another banger. I know you seen your me. I get the money pass your papa. Wait till you want way I know fit do for you. Why you want the boogaloo? Share you be kiss than any. You better drop your body. I'm a sucker. Suffer with this body. Make we run, I'm on a low key. Baby, you know me. They get a sucker move where you know go. Green. Come make a drive your come make a drive this your jalo. Baby, allow me tip you off with the alawi. See body, oh. See body. Come here, wait till the water. Green body make a rock on me. Yeah. I know you seen your me. I get the money pass your papa. Wait till you want way I don't feel too for you. Why you want the boogaloo? Share you be kissed than any. You better drop your body and move. You to the phone with this love for facing, baby. And let me. I get the bounce for you. You want the do like say, night I know the end. You to the steep, they do like say, your waist know the end. Know the end. Oh, yeah, follow my command, baby. Do like I do, baby. Front and back, give me boom, back, a boom. Sucker, suffer with this body. Make me run, I'm on a low key. Baby, you know me. They get a sucker move where you know go. Free, come make a drive your. Drive this your jalo. Baby, allow me tip you off with the alawi. Come here, wait till the water you. Green body make a rock on me, yeah. I know you seen your me. I get the money pass your papa. Wait till you want way I know fit do for you. Why you want the boogaloo? Share you be kissed than any. You better drop your body. I'm a sucker. Suffer with this body. We run, I'm on a low key. Baby, you know me. They get a sicko move where you know go. Green, come make a drive your come make a drive this your jalo. Fake friend up on distance, yeah. Moins 18 on est big clock. Mm.

Énergie vous offre un voyage en eau très profonde avec Jason Statham. En ce moment, gagnez vos places et plongez en eau très trouble. On détecte une suractivité aquatique à 8000 mètres de profondeur dans la fosse. Ça grouille de mégalodon. On n'avait jamais vu ça. Il chasse en meute. Préparez-vous. Barracuda. À une grosse décharge d'adrénaline avec Énergie, la radio numéro 1 sur le cinéma. Welcome to Baka Festival. L'événement le plus attendu des grandes vacances approche. Les 12 et 13 août, la plage de Pointe Fola s'enflamme. Jocelyne Berroir. SDR. Shensia. Darius Riley. Fanny G. Les meilleurs DJ du moment pour un week-end XXL. L'occasion pour toi de vivre un moment unique, une expérience hors du commun. L'occasion de découvrir, goûter, chanter, danser dans un village rempli de surprises. Baka Festival et le comité Martinique et du Tourisme t'invitent à t'évader sur l'un des plus beaux spots de l'île. Alors, prends vite ton pass sur bakafestival.com et reste connecté sur nos réseaux avec la participation des Air Caraïbes, Soch, McDonald's, RC et Énergie Antilles. Baka Festival, créateur de souvenirs. Va donc chez Speedy. Speedy. Vas-y, pioche une carte et je devine laquelle c'est. Celle-là. Ok, alors, est-ce qu'elle te donne 10% de remise toute l'année? Oui. Ah, et 25% pour ton anniversaire? Aussi. Ah, je sais, c'est la carte Speedy. Oh, c'est trop fort. C'est magique. Avec la carte Avantage de Speedy, vous bénéficiez de nombreuses remises toute l'année. Par exemple, 25% de remise sur le freinage avec la carte Avantage Speedy. Quand on pense à des experts, on pense à Speedy. Speedy, plus qu'un garagiste, un réflexe. Va donc chez Speedy. Speedy. Voir conditions dans l'un de vos 6 centres Speedy jusqu'au 2 septembre. Mardi 15 août, la Foyale Color Red revient avec énergie la ville de Fort-de-France et Crop l'agence. 5 km de couleurs, une course en plein centre-ville comme vous ne l'avez jamais vécu. Une fête colorée avec DJ Milone, Ajay, Skol, Fidj, Lia, Tix, Natoxy et en invité Highway et DJ Despi qui vont vous faire décompresser. Inscription sur www.foyalcolorrun2023.com ou sur Bizouk. Renseignements sur la page Instagram Foyal Color Red. Un événement avec DJ, Burger King, Red by SFR Caraïbes, Chocolat Hello et Énergie. Écoutez Énergie Antilles et des dizaines de radios digitales Énergie de tous les styles. Partout, tout le temps, en illimité sur mobile. Téléchargez l'appli Énergie Antilles. It's music only. Oh, hey! 12 hits Énergie. Sur Énergie. C'est la playlist Énergie qui démarre. Il va réveiller ma folie. Il va réveiller ma folie. Il va réveiller ma folie. À fond sur le pilier, compteur à des ours. Et je m'épuise que les diamants sur tes ice, ice. Je sais que tu m'analyses, tu mets la pression. Les laisse pas m'approcher si c'est des vice, vice. À descendre, à descendre, à descendre, bébé, à descendre. À descendre, à descendre, à descendre, bébé, à descendre. C'est mon effet, y'a pas de magie, magie. Si tu voulais qu'on s'additionne, c'est le bon timing. T'écoutes les gens, ils veulent nous salir, salir. Si t'es le bon, y'a aucun mec qui m'impressionne. Je veux voir la sincérité, je te le dis des trois fois, dis-moi la vérité. J'ai vu les filles d'à côté, elles sont pas comme moi, pas comme moi. J'ai dit qu'elle m'a gang et que ça bougera pas. C'est les meilleurs problèmes, hein. T'as un truc à dire, mais j'aime pas les poèmes. Hein. Puisque les diamants sont tes ice, ice. Je sais que tu m'analyses, tu mets la pression. Les laisse pas m'approcher si c'est des vice, vice. À descendre, à descendre, à descendre, bébé, à descendre. À descendre, à descendre, à descendre, bébé, à descendre. C'est pas pas une chèvre, c'est vrai, c'est la vérité. La vérité. Y'en a pas de, si tu veux, tu peux vérifier. Oui. J'suis qu'un bad boy, t'es là pour me purifier. J't'ai obligé de mettre de côté la fierté. Accroche-toi à moi. Hey. On fera la route à 220. Écoute leur voix. Hey. Ils veulent te salir, mais en vain. Se bloquent près de moi. Ah. Pour toi, pour moi, j'les efface. Trop de flow, j'me. Ouais, ben accroche-toi. À fond sur le pays, on te redescend. Et je brille plus que les diamants sur tes ice, ice. Je sais que tu m'analyses, tu mets la pression. Les laisse pas m'approcher si c'est des vice, vice. À descend, à descend, à descend, bébé, à descend. À descend, à descend, à descend, bébé, à descend. Il va réveiller ma folie. Il va réveiller ma folie. Il va réveiller ma folie. Il va réveiller ma folie. Il va réveiller ma folie. Il va réveiller ma folie. Descends, bébé, descends. Patrice again. Nesta. You gon' kill him with the wine, girl. Kill him with the wine, girl. That's right. Splash. Body wet up, wet y'all, where the man them prefer. Drip drop on a wine and bubble. Body wet like the fire, baby. Splash. Body wet up, wet y'all, where the man them prefer. Drip drop on a wine and bubble. Body wet like the fire, baby. C'est la playlist Énergie. Que ce soit festival ou bien bacchanal, all day in book out, everybody's out. It's summertime, it's summertime. Massa fome. playlist vacances sur Énergie. Baby, tell me if the partner there. Just tell me if the coast is clear. Oh, cause I'm on my way. Life of a side man. Ou pas méchant ou just let pas chercher nous, quand tout fait nous tout let. Real bad man, pas chercher best friend. Pour vous, si vous pas attendre que nous dead. Ou quand il finit, mec, tout si blot, chaque fille dead. Une femme panne pour faire pièce, non pas de principe. Mal parlé en boucle, pour une femme foutre sa pièce. Long time, vous savez, nous capons l'hypocrite. Et parasite, on met tel d'em. Phénoménal, phénoménal. Wouh, phénoménal, phénoménal. Oui, phénoménal, phénoménal. Full of the style, fait tourner la tête de tous les mâles. Dégage un truc limite animal. On s'en scandale. Y'all say yes, on fucking skate, elle peut pas vintage. T'es pas gel, yo vex, go vex. On dit mourir, ou même mon conflex. We not stress, sure. Y'all, man, a real bad man. Emily, what a level. Live. Come on. sur Énergie avec Crozatier, meubles et décorations. Crozatier, meubles et décorations. Caresse antillaise. Plaisis-moi. More nights, cause I can't sleep without you. remember when you miss me, call me and tell me say you want see me. Me never reach in time and you a ball for me. But soon as me reach your doorway, big smile by your face, you lock me down for the whole day. Girl, me no want you for stray, me no want you for leave, me no want you for leave. Baby girl, don't leave me in dismay. Me need you by my side like all the I've need the peace. At least one more night, give me just one more night. Girl, one more night, cause I can't live without you. One more night, yeah, give me one more night, girl. A million more nights, cause I can't sleep without you. Give me just one more night. Me need ya one more night, cause I can't live without you. One more night, yeah, give me one more night, yeah. A million more nights, cause I can't sleep without ya. Alright, cause every day me say me want you in my life. Come in now if you wake if you know the day by my side. I beg you a blight, swallow me pride. Girl, me world so cold without you and me feelings can't hide. Me remember when you say you need me all day. Make love from the room to inna the hallway, girl. Me no really want to learn the hard way. Me no afraid to say please, girl, stay. One more night, give me just one more. One more night. Énergie. Tous les jours. Numéro 1. Numéro 1. Gimme, yeah. À ce qu'il paraît, je suis de mauvaise foi. Oui, alors, promesse sur promesse, pas t'es dans ça. Mis à mort, tout le monde nous dit que ça le fera pas. Oui, alors, nos histoires ne les regardent pas. Mis à mort. Vas-y viens, on taille dans le piano. Vitre teintée, on fera nos bails, oui. Et alors, on se fait du bien, on se fait du mal. Mis à mort, il porte l'œil, je les vois même pas. Et alors, pas qu'on les rend fous, j'avoue. Ils font que pénave, tous les jaloux. Pas qu'on les rend fous, j'avoue. Ils font que pénave, on trace la route. Let's go. Bébé, ça jamais de jouer les jolis cœurs. Jolis cœurs. Même quand on se bout, tu restes mon joli cœur. Joli cœur. Bébé, c'est jamais de soigner toutes mes peurs. Jamais. J'aime quand tu me fais ton regard de mannequin. Let's go. Je t'ai choisi, t'es mon joli cœur. Je t'ai choisi, t'es mon joli cœur. Je t'ai choisi, t'es mon joli cœur. Je t'ai choisi, t'es mon joli cœur. Personne en face, je les entends dans mon dos. Dans mon dos. Qu'à toi que je donne mon temps, t'es El Mundo. Y'a que toi. Prends l'impossible pour nous séparer. Sans effet, je suis ton ombre et toi t'es ma lumière. Mes repères. Allô, allô, y'a des échos. Ils veulent ma place, ça c'est mort, non, non. À part moi qui peux t'assumer, bébé, non, pas les. Laisse-les dans tes DM, donne-moi la mano. Follow. Je m'en fous, j'avoue. Ils font que pénave, tous ces jaloux. Là qu'on les rend fous, j'avoue. Ils font que pénave, on trace la roue. Bébé, ça jamais de jouer les jolis cœurs. Même quand on se bout, tu restes mon joli cœur. Bébé, c'est jamais de soigner toutes mes peurs. Jamais. J'aime quand tu me fais ton regard de mannequin. Let's go. Je t'ai choisi, t'es mon joli cœur. Je t'ai choisi, t'es mon joli cœur. Je t'ai choisi, t'es mon joli cœur. Je t'ai choisi, t'es mon joli cœur. Bébé, c'est jamais de jouer les jolis cœurs. Même quand on se bout, tu restes mon joli cœur. Bébé, c'est jamais de soigner toutes mes peurs. J'aime quand tu me fais ton regard de mannequin. Let's go. Je t'ai choisi, t'es mon joli cœur. Je t'ai choisi, t'es mon joli cœur. Je t'ai choisi, t'es mon joli cœur. Je t'ai choisi, t'es mon joli cœur. Non-stop sur Énergie. C'est les vacances. C'est les vacances. qui aime pas content. Un jeune homme message qui aime pas comprendre. Ou décide de quitter moi sans attendre. Connais ou pas connais qui je qui aime fun. Bagaille ça fait moi mal. Sache l'amour nan kèw, baby, ki tem la. M'pa kite ou plenyen pou fye li mena. L'amour an bom nan pa ge pri. M'pa fle n'pa le fo, baby, m'pa fle pri. Bom mwen tout kèw, m'pa fle la demi. Nou fèk pou n'viv ansam, nou pa ka etmi. Ki tem a le. Dans les yeux, plus besoin de mots.

baby, ma chochoro for me. Ah, ochoro. Baby, ma chochoro for me. Ochoro. Baby, ma chochoro for me. Ah, it's STG. Ce soir, 19h, c'est la cool session. Hey yo, on saute, en plus on s'en est. Antidote, sacré mal. 2 heures de mix non-stop. Non-stop. Tous les hits les plus hot des vacances, remixés par les DJ Energy. 19h, 21h, la cool session Energy, c'est votre cocktail de mix à siroter ce soir sur Energy, la radio la plus fraîche des vacances. Rosati revient avec du lourd. Oui, oui, du lourd. Du 1er au 31 août, rendez-vous chez Crozatier pour l'opération Grand Déstockage sur une large sélection de salons. Il y en aura pour tous les goûts. Alors, n'attendez plus. Rendez-vous chez Crozatier pour son Grand Déstockage. Crozatier, c'est à la zone industrielle des Mangles, à Cajou, au Lamentin. 05 96 50 08 15. Crozatier, meubles et décorations. Pour les vacances, retrouvez les délicieuses boissons Montpellier en canette de 50 centilitres pour les déguster où vous voulez. Désaltérez-vous avec le délicieux parfum Manga Cerola, un mélange de douceur, de gourmandise et de saveurs fruitées comme on les aime. Et pour ceux qui ont besoin de fraîcheur, découvrez l'incontournable Tépèche Hibiscus, tellement rafraîchissant. À chacun son Montpellier pour les vacances. Disponible dans vos supermarchés préférés ou en station. Montpellier, ma dose de good vibes. Pour votre santé, bougez plus. La ville de Trinité, Total Energy Sac du Bac, Cara Energy et Air Caraïbes présentent le vendredi 11 août la 7e édition du concours des DJs. Un événement présenté par Lionel Nido et parrainé par DJ Natoxy. Natoxy. Sur scène pour mettre le feu, Cécinelle, Kikoubi. C'est pas que moi pas mérité, forme. Et Blicasti. Un événement énergie antille. Ça y est, le moment tant attendu est arrivé. Aya Nakamura débarque en Martinique pour un concert explosif le 11 novembre. L'artiste phénomène aux millions de disques vendus vient ici pour sa tournée internationale. Réservez dès maintenant vos places pour le concert de l'année. Les billets s'arrachent déjà, alors ne tardez pas. Rendez-vous sur www.biprodevent.com. Aya Nakamura, en concert. Un événement à ne manquer sous aucun prétexte avec RCI et Énergie Antilles. Parcadon, Parcadon, Parcadon, Parcadon, Parcadon. Parcadon, c'est le parc de loisirs familial en Martinique pour les enfants de 0 à 12 ans. Plus d'infos sur Instagram, Facebook et sur parcadon.com. À bientôt les copains. Retrouvez les champagnes Nicolas Feuillatte au Baca Festival les 12 et 13 août au Vauclin. Des champagnes frais et fruités qui se dégustent en toute occasion. Ils seront parfaits pour vous accompagner dans tous les moments gourmands de ce grand festival musical. Fournisseur officiel du Baca Festival, Nicolas Feuillatte vous accueillera dans son bar à champagne. Nicolas Feuillatte, le champagne préféré des Français. Source IWSR 2022. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Caresse antillaise. Plaisis-moi. Caresse antillaise. Plaisis-moi. C'est les vacances sur Énergie. Le Beach Tour Énergie vient vous ambiancer sur le sable chaud des plages de Martinique. Animation avec Morgane, DJ, structure gonflable, jeux, fitness et Jamboula avec Nadine. Soyez au top et repartez avec des centaines de cadeaux. Avec Nivea Sun, l'eau Caroline, Montpellier, Sixte Occasion et le zoo de la Martinique. Le Beach Tour Énergie vous donne rendez-vous ce 9 août, plage du Diamant. Téléchargez l'appli Énergie Antilles. Des dizaines de radios de tous les styles pour écouter vos hits préférés. Parce que chez nous, la musique restera gratuite. Téléchargez maintenant l'appli Énergie Antilles. Farniente et tous les hits numéro 1. C'est les vacances sur Énergie.

St. Thomas native. Look on greatness, the street now safety. No shake if you pay a slip. They mate with them lady have weep on them brain and last week. Life change up with Bible Mafi car racing. You for proud of the changes. Papi drop your range and nothing for do you mean. A forward from slavery and rule it bravery. The whole of them fear with them now learn. Can this a killer pirate? But rifle will lift up like skirt. Style we no converse, now fall we a get up and work. We lost them and we die first. Anybody when know me for real, know say, me deserve everything, yeah. Remember when me clothes never real, yet still, me never stole anything. I'm a band, great, Andrea number one. From out in me bank book full of millions. Them can't understand how me die a so long. Make history a Gambia like a Gambian. Although them free fit up, them know me a the man. Popcorn, I feel like he world, I di never wrong. We shame them every day, that's Mr. Sutherland. Aviators, them a sing along. Them bring me leave off a spaceship. We a walk with that, we a no nature. She said them never want man for me a kid. Every record where them set up will break it. Zero me a come from. But look by me no. Look by me no. Look by me no. I know me a come from. But look by me no. Look by me no. By me no. Zero me a come from. Esprit, what's up? Dude, what's up? Hein? Moi, tu joues à la barre. Bien sûr, bien sûr. On revient la gang. Deux qu'un squad, nous te gang. Chaque kit nous fait ça, tout gang. Attends, tout le monde est en flingue. Nous qu'on met tout ça gang. Chaque fin de phase, ni en gang. Zip, zap, wap, gang. Tigali, gali, couche à Barings. Sans cas, signature, label. L'argent, propre, coffret, Ado Banks. Et comme chaque fin de phase, ni en gang. Yé, Misty, gang. Mon Martinique en la ria. Les mots, ils viennent en face, non, Ado Banks. Dis-moi qui sont au carrière. Yo fini pour faire moi dans un gros gueule. Gang, hey, hey, señorita, on nous danse sous compas. Gang, gang, dans sa clash en l'éria. Mais ça pour l'argent, ça peut finir. Gang, gang, gang. Ou pas ni corps, ou pas ni plan, pas mon cœur qui en a. Ou pas ni corps, ou pas ni plan, pas mon cœur qui en a. Ou pas ni corps, ou pas ni plan, pas mon cœur qui en a. Ou pas ni corps, ou pas ni plan, pas mon cœur qui en a. Ouzi, c'est ce gamme qu'on dit, mais c'est ça possible. Nous qu'a fait propre, exhale aussi. Chute la patate, qu'a fort tousser. La petite m'a envoyé sa pouf. Paye avant ta femme, ta soeur, ta cousine. Épée, Justine, maman aussi. Tac, pitac, pitac, comme à l'ancienne. Fais son tala, fait tube, TikTok, train. Zip, zap, wabap, gang. Y'est pas dit, y'est pas. Gang, à son compas, hein. Représente tes cultures là, hein, hein, hein, hein, hein. Ou pas ni corps, ou pas ni plan, pas mon cœur qui en a. Ou pas ni corps, ou pas ni plan, pas mon cœur qui en a. Ou pas ni corps, ou pas ni plan, pas mon cœur qui en a. MLG. Can be so, that it will only Énergie vous offre un voyage en eau très profonde avec Jason Statham. En ce moment, gagnez vos places et plongez en eau très trouble. On détecte une suractivité aquatique à 8000 mètres de profondeur dans la fosse. Sa grouille de mégalodon. On n'avait jamais vu ça. Il chasse en meute. Préparez-vous. Barracuda. À une grosse décharge d'adrénaline avec Énergie, la radio numéro 1 sur le cinéma. Mardi 15 août, la Foyale Color Red revient avec Énergie, la ville de Fort-de-France et Crop l'agence. 5 km de couleurs, une course en plein centre-ville comme vous ne l'avez jamais vécu. Une fête colorée avec DJ Willon, Ajay, Skol, Fidj, Lia, Tix, Natoxy et en invité Highway et DJ Despi qui vont vous faire décompresser. Inscription sur www.foyalcolorrun2023.com ou sur Bizouk. Renseignements sur la page Instagram Foyale Color Red. Un événement avec Didier, Burger King, Red by SFR Caraïbes, Chocolat Hello et Énergie. Dans le cadre des Mardis Sahelites au Sunset, Sahel reçoit Ridla le mardi 8 août pour un concert live. Ambianceur confirmé, ce sera exceptionnel. Place sur Bizouk, réservation de salon au 06 96 540 530. Vos vacances, vous les imaginez plutôt sportives? À l'assaut de la pelée? En mode farniente, sur les plages des Salines ou des Fonds Blancs? En mode soirée entre amis autour d'un bon repas à la maison? Ou les trois, tout simplement? Profitez sans modération des vacances au pays avec Caroline. Une eau douce et légère qui vous accompagne partout, à chaque moment de la journée, quelle que soit votre activité. Caroline, mon eau au quotidien. Retrouvez tout l'univers Caroline sur le site caroline.com et sur nos pages Facebook et Instagram. Coucou ma chérie, mon finot est de sortie. Il faut venir voir ça, au saut de la Martinique. Ce n'est pas le sud, mais c'est dans le nord. Dans la plus vieille habitation de la Martinique, avec un magnifique jardin parsemé de fleurs de toutes sortes. Oula là. Et différentes espèces d'animaux. Il y a des singes, des flamants roses, des jaguars, accompagnés de leurs bébés, et le mâle qui ressemble énormément à mon mari quand il est en colère. Oh là là, quand vous seriez là, vous ne voudriez plus repartir. Et tout cela aux eaux de la Martinique. Et après une belle balade, si vous avez chaud, vous plongez dans la mer Djouboulou. C'est juste en face du zoo de la Martinique, dans le nord. Welcome to Baka Festival. L'événement le plus attendu des grandes vacances approche. Les 12 et 13 août, la plage de Pointe Fola s'enflamme. Jocelyne Berroir. SDR. Shensia. Darius Riley. Fanny G. Les meilleurs DJ du moment pour un week-end XXL. L'occasion pour toi de vivre un moment unique, une expérience hors du commun. L'occasion de découvrir, goûter, chanter, danser dans un village rempli de surprises. Baka Festival et le comité martiniquais du tourisme t'invitent à t'évader sur l'un des plus beaux spots de l'île. Alors, prends vite ton pass sur bakafestival.com et reste connecté sur nos réseaux avec la participation des Air Caraïbes, Soch, McDonald's, RC et Énergie Antille, Baka Festival, créateur de souvenirs. Saviez-vous que Sixte fait aussi de la vente de voitures d'occasion? Retrouvez de nombreuses marques en concession. Renault, Volkswagen, Audi, Peugeot. La voiture de vos rêves se trouve forcément chez Sixte Occasion. En plus, profitez d'un an de garantie offerte lors de votre achat. Sixte, le patron des belles occasions. Rendez-vous impasse du Larentier au Lamentin pour ne louper aucune occasion de vous faire plaisir. Caresse antillaise. Plaisis-moi. C'est les vacances sur Énergie. Le Beach Tour Énergie vient vous ambiancer sur le sable chaud des plages de Martinique. Animation avec Morgane, DJ, structure gonflable, jeux, fitness et Jamboula avec Nadine. Soyez au top et repartez avec des centaines de cadeaux. Avec Nivea Sun, l'eau Caroline, Montpellier, Sixte Occasion et le zoo de la Martinique. Le Beach Tour Énergie vous donne rendez-vous ce 11 août sur le front de mer à la Trinité. Énergie Antilles, tous les hits numéro 1. À Fort-de-France sur 104.4. Rejoignez plus de 3 millions de fans Énergie sur Facebook. Facebook.com/EnergieAntilles97. Énergie. Énergie numéro 1 sur les réseaux sociaux. Are you ready?

I don't like a salad. So far my money to double. As my money to buy love, oh, they make me have you, have you. As my money to buy love, oh, they sweet my butt you, butt you. Problem in all the finish. We could try it and enjoy. Enjoy. Se kata kata uru uru no de finish. Make you try de enjoy. Problem in the finish. So make you try de enjoy. Make you dance like Luwala. Yeah, Luwala. Make you dance like Luwala. Yeah, Luwala. C'est la playlist énergie. Mauvais l'habitude dans ma la tête, pas ni plaisir, baby. You're ready now, you're ready now. Tonight, on a fait escale, on lève la ligne. Pas même des étoiles qu'à bouiller, photo darling. Wine your waistline for me, c'est morning. Baby, let me put you under. control this feeling, but I like it. Watching you for a minute, this enticing. You're the one I wanna see. Sometimes I'm curious. Too many girls in the party. Too many shots, I need a driver. I gotta find her. All girl freaky, freaky, freaky. That girl freaky, freaky, freaky. Shen Yang freaky, freaky, freaky. Have them a wonder who I teach me. Said them love how me freaky, freaky, freaky. Legs go over me head, me freaky, freaky. All girl freaky, freaky, freaky. It's a good thing I profi know if he please me. Yeah, met a next girl by the name of Shanice. So she got a good friend at home called Patrice. Tryna see what can go on later. I want flavor with no chaser. So she wanna try a one thing or two. Ready fi broke out and make her debut. Mommy put it on me. Temptation ya make my thoughts on the holy. Type of things got me curious. Can't control this feeling but I like it. Watching you for a minute this enticing. You're the one I wanna see. Sometimes I'm curious. Too many girls in the party. Too many shots, I need a driver. I gotta find her. All girl freaky, freaky, freaky. That girl freaky, freaky, freaky. Shen Yang freaky, freaky, freaky. Have them a wonder who I teach me. Said them love how me freaky, freaky, freaky. Legs go over me head, me freaky, freaky. All girl freaky, freaky, freaky. Come for that freaky, freaky, freaky. Yeah. We got Lennon on the train. Pas trop vite le matin, doucement l'après-midi. Énergie vacances. Pourquoi tu remettrais le couvert? J'ai pas pris l'assurance contre les rêves brisés, je suis pas couvert. Sommage veut toucher ta peur du vide. Et ça fait longtemps que j'étais dans le viseur. Tu protèges ton cœur, t'as mis des videurs. Comment t'approcher, c'est pas évident. Tu sais bébé, vaut mieux. Tu sais bébé, vaut mieux m'éviter. Tu défies les lois de la gravité. C'est la nuit, j'parle à mon canon. Est-ce que t'es avec moi parce que j'ai bras longs? La vérité, briser des cœurs, ma spécialité. Évitons les banalités. Oh, oh. Briser des cœurs, ma spécialité. Spécialité. Évitons les banalités. Oh, oh. Désolé chérie, j'ai des tas d'ennui. J'te zappe en été, t'es trop endetté. J'travaillais cardio que quand j'te sautais. Trop sur mes côtes, j't'ai mis sur le côté. Me regarderais-tu si mon compte était à découvert? Non, non. Si tu te vois la face, c'est seulement parce que t'es trop fier. Non, non. Fais pas la meuf qui pompe quand ma chanson était ta ringtone. Tu peux bloquer mon phone, girl. Je resterai le number one. Tu sais bébé, vaut mieux. Tu sais bébé, vaut mieux m'éviter. Tu défies les lois de la gravité. Tu sais la nuit, j'parle à mon canon. Est-ce que t'es avec moi parce que j'ai bras longs? La vérité, briser des cœurs, ma spécialité. Évitons les banalités. Oh, oh. Briser des cœurs, ma spécialité. Spécialité. Évitons les banalités. Oh, oh. Désolé chérie, j'ai des tas d'ennui. J'te zappe en été, t'es trop endetté. J'travaillais cardio que quand j'te sautais. Watch. Sur mes côtes, j't'ai mis sur le côté. J'ai X, Molly Wix. Énergie. Tous les hits numéro 1. Numéro 1. Numéro 1. We go in, you go know. All of the blessings fall on my heart. blessings stay for my yard. And like a dad, he go be, he go see, he go feel because the blessings follow my yard. Blessings follow my yard, yard, yard. That's why the blessing fire go all. I don't wanna reason bad things no more. I don't wanna go back to where I did before. Make nobody stress me, no disturb me, cha cha cha. I sip my alcohol. I don't wanna reason bad things no more. I don't wanna go back to where I did before. Make nobody stress me, no disturb me, cha cha cha. I finna run away, but I will go solve them. Too many bad men, and not enough friends. Love save me, don't wanna lose my conscience. I just wanna dance under the sunset. Make nobody stop my enjoyment, oh. No. That's why I see my alcohol. I don't wanna reason bad things no more. I don't wanna go back to where I did before. Make nobody stress me, not disturb me, cha cha cha. I sip my alcohol. C'est la folie, laisse-les penser qu'entre nous c'est molé. Quelle symphonie quand on est olé. Je crois que c'est la folie, laisse-les penser qu'entre nous c'est molé. Je suis surpris devant son corps. De l'oseille, il faut faire encore. Je crois qu'on est d'accord. C'est de la partie, et ben c'est parti. Sans faute, c'est moi parmi tant d'autres. Je sais que t'en veux encore. Allons pas faire en sorte. On sait pas pour toute la vie. T'es pas là, je pense à toi dans la nuit. Posé sous le bloc, j'aime ta fumée dans le vide. Tu es gentil, il est méchant dans le film. On sait pas pour toute la vie. T'es pas là, je pense à toi dans la nuit. Sentimental, c'est pas mon fort. T'as besoin de réconfort. Quelle symphonie quand on est olé. Je crois que c'est la folie, laisse-les penser qu'entre nous c'est molé. Quelle symphonie quand on est olé. Je crois que c'est la folie, laisse-les penser qu'entre nous c'est molé. Tout travail amène de la fatigue. C'est business, c'est pas vu, pas pris. De bons frères, moi, sont déjà partis. Obligé de côtoyer des sales types. Et pour toi, je peux tuer dans le tas. Faut le croire. N'aie pas peur, mais le 45 sur toi. Embarque-toi, posé dans le vaisseau mer. On sera posé à deux ou à vue sur mer. Plage, diamant, style. Pas d'âge, peut-être, je fais les pailles. Attention, faux amis. Plage, diamant, style. Quoi d'âge, peut-être, je fais les pailles. Attention, faux amis. Quelle symphonie quand on est olé. Je crois que c'est la folie. Laisse-les penser qu'entre nous c'est molé. Quelle symphonie quand on est olé. Je crois que c'est la folie. Laisse-les penser qu'entre nous c'est molé. Fin d'après-midi en mode détente, l'After Beach Energy. Merci d'avoir choisi l'After Beach. Je vous accompagne jusqu'à 19h, comme tous les jours. 19h. Après, c'est Energy Cool Session. Energy Cool Session pendant 2h jusqu'à 21h. Les DJ viennent pour mixer pour vous. En attendant, nous, on va sauter dans la piscine cet après-midi encore. Appelez-moi rapidement au 0825-825-696 si vous voulez avoir la chance de partir au Mardi Saïdit, de partir au Baka Fest, de partir au cinéma. Ça se gagne en ce moment sur Energy et j'ai des passes pour vous. Il vous suffit d'effectuer un petit plongeon. 0825-825-696 cet après-midi encore. On va s'éclater, mais vraiment tranquillement. Allez, on parle des hits à venir. Léa Chouos. Et de suite, on se fait un petit souvenir avec Sean Paul et Sacha dans la radio. Come the thing, them call the broken heart. This blessed love will never part. You don't know it from the start. Me tell them, say I'm dirty, yeah. Sean Paul and Sacha, come sing for them, baby. Though you make me holler, though you make me sweat, I can't get your tenderness. Still, I can't get you off my mind. What is it about you, baby? I don't say dirty, dirty love. Love. I'm still in love with you, boy. So girl, you try to understand that a man is just a man. That's a dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. That's a love from the start, but you know we're at the part. That's the way I give my love. I'm still in love. Yes, I'm still in love. What a man gotta do? What a man gotta do? Promise and I'm bling bling for all the girl. But I love the loving when me fling fling controller girl. And I make your head swirl, and I make your body twirl, and I make you wanna be my one and only baby girl. Night after night, me give you love to keep you warm. Girl, you never get this kind of loving from your bond. I know you want your cats and me just can't perform. I love you, baby. I show you get the little loving I'm gone. You don't know how to love me. I know no time for no kissing and not chow. Not even how to kiss me. I do my take your little heart right star. I don't know why. Baby girl, baby girl, baby girl, baby girl. dirty, dirty love. Say you're down to dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. So girl, can't you understand that a man is just a man? That's a dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. The blessed loving from the start, but you know we're at the part. That's the way I give my love. I'm still in love, yes, I'm still in love. Yo, what a man gotta do, what a man gotta do, girl. Hey, I do me give her dog love and say bye, bye, bye. But turn around, she ask a question, why? When me leave in me city, girl, I cry, cry, cry. And it hurts my heart to tell a lie. So don't cry no more, baby girl, for sure. Just remember the good times we had before. I know you get the little loving and me gone. You don't know how to love me. I and I know no time for no kiss up no not charm. Not even how to kiss me. I told me take your little advice down. I don't know why. Hey, baby girl, I love you, baby. I don't see that you don't see love. A player, and you know I'm not a stayer. That's a dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. So, girl, don't you understand that a man is just a man? That's the way I give my love. I'm still in love with you, boy. The best of love from the start, but you know we're at the part. That's a dirty, dirty love. I'm still in love. What a man gotta do, what a man gotta do, girl. I don't know why. I'm still in love with you. Énergie. Énergie. Tous les hits numéro 1. Enlacée à ton corps, je sens que la bombe s'est amorcée. Je crois bien que je perds le nord. Difficile de résister. Et quand tu penses à moi, tu as des idées. Mais c'est plus fort que nous, on ne peut l'éviter. On ne peut l'éviter.